Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste sur Radio Fadjet. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'Abdoulaye Trésor Konaté, qui est un artiste du spectacle vivant. Bonjour Abdoulaye, comment vas-tu ? Bonjour. Et bonne année. Et bonne année, bah oui, effectivement, on est sur le tout début d'année encore, au moment où on se voit aujourd'hui, Abdoulaye. Ce que je te propose, Abdoulaye, c'est de te présenter, de nous dire qui es-tu. Ben, je suis Abdoulaye Trésor Konaté, donc chorégraphe, danseur, directeur artistique de la compagnie ATK, basée à Strasbourg. D'accord. Et j'essaie un peu de faire mon petit bout de chemin. De faire ton petit bout de chemin. Ouais. Alors toi, tu es un artiste du spectacle vivant, c'est-à-dire concrètement, tu as une troupe, la troupe ATK, pardon. ATK, ouais, la, grand A, grand T, petit E, grand K, petit A. La troupe ATK, c'est une troupe de danse. Oui, c'est une compagnie de danse. Une compagnie de danse. Une compagnie de danse contemporaine. De danse contemporaine. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces danses contemporaines ? En quoi consiste ton spectacle ? Ou oui, tes spectacles ? Oui, il faut dire que je suis à la base créateur. J'ai envie de dire, mon rêve d'enfance, c'était au départ d'être médecin. J'avais ce rêve-là d'être médecin. Et ça n'a pas marché. Après, je me suis retrouvé à la mécanique générale. Là aussi, ça n'a pas marché. Donc, à un moment, j'ai envie de vous dire, la danse, elle était là. Elle a pris le dessus. Et j'ai continué à nourrir ce processus-là. Sachant que du côté de mon père, il y a une société secrète. Société secrète de danse traditionnelle, de danse, j'ai envie de dire, folklorique, sacrée. Qui est précisément oui, parce en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, hein, parce qu'il faut préciser, voilà, tu es originaire de la Côte d'Ivoire. Avec des éléments spécifiques. Tous ces éléments, ces danses traditionnelles, sacrées et tout, ça c'est du côté de mon père qui parle de cette société secrète. C'est des hommes panthères. Des hommes panthères. Des hommes panthères, voilà, qui partent au couvent, qu'on initie et qui reviennent qui, pour esquisser des pas de danse, qui évoque voilà, le sacré, tout simplement. Et du côté de ma mère, je me retrouve aussi avec une culture très dense. Et cette culture, elle est aujourd'hui reconnue au patrimoine, comme patrimoine de l'UNESCO, d'accord, qu'on appelle le Zaouli. Et cette danse, c'est aussi la danse féline, qui est aussi une danse de la fille de la lionne. Donc mine de rien, du côté de mon père, la savane, cette densité culturelle et à la fois secrète, et du côté de ma mère, cette beauté féminine, toutes ces deux cultures-là, dans ma création, prennent aussi le dessus. D'accord. Donc c'est une synergie de toutes ces danses que je mélange. Au départ, comme j'ai dit, je voulais être médecin, ça n'a pas marché. Donc à un moment, il y a un travail de martellation, un travail de construction, de déconstruction, autour de mon travail. C'est-à-dire que toi, dans tes aspirations naturelles, malgré tes premières aspirations vers la médecine ou ensuite vers la mécanique, finalement, tu étais un danseur. Oui, voilà. J'ai envie de dire. Et dans ces cultures, tu avais donc le Zaouli ou les Moboy, c'est bien ça, c'est le Boloy. Le Boloy. Le Boloy, voilà. Ouais. Le Boloy, voilà. Donc, qui était très particulier, mais qui faisait partie de ta culture. Exact. Et tu as pu réunir ça. Alors, le Zaouli, tu veux peut-être dire un mot plus spécifiquement pour oui, expliquer ce que c'est. Oui, le Zaouli, au fait, c'est la fille de la lionne dans ma culture, du côté de ma mère. Mais la lionne divine, quoi. La lionne divine. La lionne divine qui, au fait, il est dit que dans cette culture-là, on ne voit jamais la personne qui danse. Donc, il y a une sorte d'invisibilité. En fait, on ne voit jamais la personne qui danse. Et elle est à la fois abstraite, mais pourtant tu la vois. Tu la vois concrètement, tu vois ce visage très féminin, avec un serpent sur la tête, ou par moment une corneille, ou par moment c'est un bouquet de fleurs. La beauté, mais vraiment féminine, ce masque-là, qui est ni masculin et ni féminin. Et pourtant, la personne qui danse, on ne nous dit pas. Mais quand tu regardes, tu sens bien que les pieds qui dansent comme ça, qui changent, qui lèvent la poussière de ce côté. Qui vont très vite en même temps. Très vite, en même temps. Voilà. Donc il y a, dans mon travail, cette sorte d'agilité, à la fois de d'agilité, de fragilité, de rapidité. Le rôle des calories. Voilà. Ah ben, oui, j'ai envie de dire. J'ai vraiment envie de dire ça. Ah, oui, voilà. Mais. Il faut expliquer peut-être à Doulay Trésor que donc, tu as quel âge ? Ça fait combien de temps que tu es chorégraphe, que tu as cette troupe de danseurs en France ? Voilà. Donc ma compagnie, elle est basée à Strasbourg, aujourd'hui, donc soutenu par les institutions strasbourgeoises, à la fois, j'ai envie de dire, dans le Grand Est. Oui, parce que tu fais des choses aussi avec les ballets de Lorraine. J'avais une création en ce moment en cours, qu'on en parlera tout à l'heure, qui a été soutenue aussi par le ballet de Lorraine. J'ai eu d'autres créations autrefois, en 2017-18, qui ont été soutenues par le ballet de l'Opéra du Rhin. Voilà. Mais c'est des créations, on en parlera si on a du temps. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que ma compagnie, elle est basée à Strasbourg depuis plus de 9 ans. Donc j'ai envie de dire 10 ans. Presque 10 ans. Presque 10 ans. Ça va être la 10e année. 2015. Voilà, je suis arrivé en France fin 2012. Je me suis installé à Strasbourg. J'ai commencé les activités. Donc j'ai été repéré par le Centre de développement chorégraphique de Strasbourg. Super. Voilà, que je salue de passage, qu'on appelle Pôle Sud. Dans le centre de Pôle Sud, centre de développement chorégraphique national. D'accord. Donc par mon premier solo, et au fur et à mesure en 2016, ce solo qui a été créé, que j'ai intitulé Hummingbird, la place du tout petit dans la société. Voilà. Donc ça, c'était ton premier spectacle. C'est mon premier spectacle, en solo. On trouve des vidéos, des choses. Oui, on trouve des vidéos en ligne. Où est-ce qu'on peut voir sur un YouTube, peu des extraits. On peut trouver sur YouTube un peu, mais on a toujours ces liens pro que nous on connaît, qui est Vimeo. Parce que c'est ces liens-là qu'on envoie aux professionnels. Voilà, j'ai ma page Facebook aussi. J'ai mon profil Facebook. J'ai ma page professionnelle Instagram. Et j'ai aussi LinkedIn. Voilà. On remettra des liens. Voilà. Donc j'ai envie de dire, est-ce que je dois. Bon, voilà. Donc il y a tous ces liens-là où on peut me retrouver. Et donc depuis ce solo qui a été créé en 2016, tout de suite, j'ai continué pendant 2 ans. À trouver ma place de chorégraphe, à faire parler de cette pièce-là en disant qu'on vient tel qu'on est dans cette société, et on fait ce qu'on peut faire dans cette société. C'est-à-dire que de sortir du cadre du jugement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'elle nous offre, ce qu'on veut faire, ou comment on s'insère. J'ai envie de dire, cette société, c'est on est tout le temps en train de ne pas prendre l'autre tel qu'il est. On est toujours sur un jugement. Ça, c'est ce que je ressens, le jugement des l'autre. Des a priori. Voilà, je ne sais pas si on a... Mais ça, c'est ce que je défendais dans la pièce, en fait. Je parle vraiment du spectacle. Voilà. C'est que j'arrive en France, j'ai ma manière de danser, il faut qu'elle soit acceptée. Absolument, oui. Voilà, c'est là. Il faut qu'on puisse la comprendre, l'apprécier, parce que c'est un autre code. C'est un autre code, tout à fait. Et aujourd'hui, je me rends compte. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est notre code. J'ai eu même de passage des personnes qui m'ont dit, en fait, ta danse, c'est un autre code, une autre manière d'approche. Bah, c'est impressionnant, la danse du Zaoumi, c'est quand même... Donc j'ai continué, mais vraiment C'est pas Michael Jackson, quoi. Je sais pas. Mais j'ai envie de dire, ça vient de tout ça. Michael Jackson, pour la première fois, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, précisément dans le centre, dans le sud-est, à Boisseau, où c'est dit que ce sud-est-là fait partie de sa... Le sud-est fait partie de ses ancêtres. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, Michael Jackson. Il a été reçu comme roi. Mais il a été intronisé. Et je pense que, j'ai envie de dire, il y a toutes ses racines. Et c'est pourquoi j'ai tout le temps, j'ai envie de pas dire adorer ce monsieur. Mais c'est une référence pour moi. Je l'écoute tous les jours. Aujourd'hui, mes enfants, mon fils, tout le monde, voilà. Michael Jackson. Mais alors, indépendamment, puisqu'on est sur la dimension un peu... roi de la pop, musique, danse. Tu as travaillé aussi, je crois, avec Kamel Wally. Oui. Voilà, il y a quelques années déjà. Oui, il y a quelques années, Kamel Wally, c'était dans le cadre du panafricanisme. C'était un projet qu'on appelait panafricain. C'était un projet panafricain qui était fait en Algérie. Et Kamel Wally débat comme ça en Côte d'Ivoire, en 2007. Et c'est même à cette période que Michael Jackson est décédé. Donc il y débarque, il arrive, il fait une audition de 300 danseurs. Voilà, il y avait 300 danseurs en Côte d'Ivoire, il arrive, il fait une audition et je suis le premier sélectionné. Génial. Et il me tape à l'épaule et me dit, bienvenue en Algérie. Ok, je regarde, c'est qui? Oui, c'est Kamel Wally. Donc je pars, et ce jour-là, il était avec un des chorégraphes qui m'a aussi beaucoup conseillé et que j'ai travaillé avec, donc Georges Momboy, quand même son centre de danse à Paris. Mm-hmm. Georges Momboy, c'est celui qui a fait l'ouverture de la CAN, la Coupe des Nations africaines, l'année dernière en Côte d'Ivoire. La Coupe du football. Voilà, c'est lui qui a fait l'ouverture, qui était en grandiose l'année dernière en Côte d'Ivoire. Et en plus, on a remporté, quoi. Nous sommes les champions d'Afrique. Voilà. Donc, juste pour vous dire que donc, c'est Georges Momboy, j'ai eu le temps de aussi travailler avec lui. Donc, j'ai rencontré Kamel Wally dans ce projet. Il y avait 800 danseurs en Algérie. Ça m'a donné ce souffle de dire, tiens, c'est mon métier. C'est ça mon métier, je vais te choisir. J'ai rencontré plein de danseurs, des États-Unis, partout. J'étais sur la même scène avec Isabelle Adjani. Ah, oui. J'étais sur la même scène à l'époque avec César Ivoria. Paix à son âme, cette grande chanteuse capverdienne. Soda. Voilà, il y a plein d'artistes comme ça. Mais j'étais juste danseur. Ouais. Super Abdoulaye. Donc là, on arrive à la fin de la première partie. On va retrouver tout de suite Abdoulaye Trésor Konaté après cette première pause musicale. A tout de suite après la pause. Faites le plein de bonnes ondes avec Fadjet. Esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade, disse minha terra, Saninclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, minha terra, Saninclau. Saudade, saudade, saudade, desse minha terra, Saninclau. soda, soda, soda, diz minha terra sem inclão. Soda, soda. Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. De retour avec Abdoulaye Trésor Konaté sur la radio Fadjet pour la seconde partie de l'émission. Donc je crois, Abdoulaye Trésor, que tu voulais ajouter quelque chose en guise de conclusion de la première partie, notamment par rapport à tes travaux. Alors, donc quand je prends aujourd'hui l'idée de mes créations, c'est que pour moi, du solo, je suis repassé à un duo, et un duo, je suis passé à un trio. Et à chaque fois que j'interroge mes créations, c'est pas au fur et à mesure des actualités, mais c'est ce qui me traverse. Voilà. Aujourd'hui, dans ta troupe de danse, tes spectacles, c'est combien de personnes sur la scène ? En gros, depuis 2016, quand je calcule de mes créations, j'en ai rencontré en France. Mmh. Voilà, que j'ai travaillé avec. Donc, toute l'équipe complète. Hein. J'ai envie de dire, on est à 20 personnes. À 20 personnes, puis tu as formé des danseurs aussi. Oui, beaucoup en Afrique. Beaucoup en Afrique. Beaucoup en Afrique. Et que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit partout. Voilà, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, là, j'ai envie de dire, ça tombe aussi sur d'autres pays d'Amérique du Sud, mais on en parlera tout à l'heure. Mais c'est que dans toutes mes créations, les danseurs que j'ai rencontrés ici, on se retrouve aujourd'hui une vingtaine de personnes. Après le Covid, on a été un peu fragilisé. Voilà. Donc on continue de reprendre. Et là, dans mes créations, là, je suis en ce moment sur un projet de groupe que j'interroge. J'ai envie de dire, pour certaines personnes, on pourra dire que c'est une appropriation culturelle. Parce que j'interroge le Bolero de Ravel. Oui. Voilà. Le Bolero de Ravel, mais à ma manière, à ma sauce, à l'africaine, précisément toujours originaire de la Côte d'Ivoire et en lien avec les deux identités que j'ai expliquées au départ. Donc ça, c'est ton thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu présentes Bolero de Ravel, version Abdoulaye Trésor, yes. Konaté. Oui. Le nom de ta compagnie, ATK Compagnie, interroge aujourd'hui notre Bolero. Alors, quelle est la particularité de ce Bolero? Cette particularité, c'est que quand j'ai écouté le Bolero de Ravel il y a de cela 20 ans, précisément en Côte d'Ivoire, j'ai entendu une berceuse. Imaginez une berceuse. Sachant qu'aujourd'hui, arrivé en France, avec tous les commentaires que j'ai eu sur cette musique, ce n'est pas une berceuse. Mais moi, j'entends une berceuse. Et cette berceuse-là, elle m'entraîne, quoi. Et donc, c'est ce qui résonne en moi, ce que j'entends quand j'entends pour la première fois. Donc, tu te laisses transporter. Moi, nos mères... Danseurs, mais aussi chanteurs. Alors. Voilà, nos mères, je sais. Mais nos mères, de manière... monocorde, quand elle veut bercer un enfant, c'est comme ça. Ce sont ces onomatopées-là. Ouais. Et donc, j'ai fait appel à deux musiciens que je respecte. Donc, Yann Cléry, qui a sa dimension de flûtiste, à la fois guyanais, et qui a ses origines aussi de Bushilingué et tout ça, qui a déjà composé un boléro comme ça, à sa manière. Il est revenu et... Et on toi, a nourri ma pensée. Tu respectes, comment dire, je veux dire, ce côté musical, le côté mélodie. Voilà. Tu le reprends dans je le reprends pas. Non, c'est vraiment une nouvelle création musicale. C'est, voilà, mais c'est, vraiment. Mais alors, qu'est-ce qui est réinspiré du Bolero? C'est juste une inspiration de ces cinq paramètres qu'il a utilisés. Parce que Ravel, quand il composait cette musique, il a utilisé le temps, le rythme, la mélodie, la ritournelle. Et voilà. Il est construit de la même façon en reprenant ces cinq. Mais à ma manière, c'est cinq mais paramètres. Mais toi, tu les as réinterprétés, tu les as reformulés à ma manière. À ta façon, quoi. À ma façon. D'accord. Et c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé tout seul ou tu as travaillé avec... Non, j'ai travaillé avec l'équipe, avec le concours de Yann Cléry. De Yann Cléry, qui est un flûtiste, aussi jazziste, avec Delphine Langhoff, qui est de Strasbourg, qui est une batteuse. qui touchent à plein d'instruments et qui chantent. Mmh. Ils sont tous des chanteurs aussi. Donc on a des chants en même temps si oui, des chants en même temps. Et mes danseurs, c'est 5 danseurs qui sont à la fois de différents styles hybrides, danse hip-hop et tout ça. Et même parmi les danseurs, il y a un batteur. Vous voyez, donc j'ai pris toute cette équipe-là et ils sont 7 sur le plateau. Et là, alors la sonorité, ça, qu'est-ce que ça nous donne en sonorité, comme ambiance? C'est une ambiance, j'ai envie de dire, oui, elle est très moderne. Très moderne, de ses inspirations, à la fois de flûte, de batterie, de musique d'enfance. Comme j'ai dit, j'entends une berceuse. Mmh. Donc de manière monocorde, on s'est créé un univers. Est-ce qu'il y a des endroits sur Internet, par exemple? Non, on les a cachés pour le moment. On ne peut pas. On les a cachés pour le moment, on ne peut pas. Voilà. Mais on a le teaser. Il faut venir assister à les teasers. On a le teaser quand même, qui est en ligne. Où est-ce qu'on peut voir? Il est où, le teaser? Il est sur Vimeo, il est sur Facebook, on a le teaser. Il faut aller chercher. Voilà. Oui, oui, on a le teaser. On trouve le teaser. Voilà, et donc, on l'interroge en ce moment et c'est prévu là pour mars 2026. Alors voilà, justement, mars 2026. Mars 2026, nous sommes en plein là pour la production. Qu'aujourd'hui, c'est très compliqué avec tous ces coûts budgétaires qu'on a partout dans le monde et en France. Mais on continue ce projet là, on tient, on y croit et on a besoin de personnes pour nous soutenir à le réaliser parce que c'est un rêve fou. On a eu ce soutien de l'autre canal de Nancy pour la création musicale. Mmh. On a eu le soutien de Ballet de Lorraine. Le soutien comment ça s'est formalisé, le soutien canal Oui, ils nous ont donné des heures au studio et j'ai fait appel aux deux musiciens et à la fois j'ai eu un superviseur, compositeur, qui est Thibaut Coad, ce dernier qui est sorti du CNSM à Lyon et qui travaille sur mes créations, mes anciennes créations, qui est venu en tant que superviseur. Voilà. Et on a travaillé là, à l'autre canal pendant des jours. Et après, on est rentré au studio au Ballet de Lorraine pour continuer à voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc, on a nos modulations, on a nos rythmes, on a nos mélodies, on a nos temps, on a nos ritournelles. Et quand est-ce qu'on pourra le voir, ce spectacle? Le projet pour nous, en tout cas, je me suis dit là, c'est pour mars 2026. Je me donne du temps. Mars 2026. Mars 2026. Une bonne année avant de. Voilà, du temps à pouvoir le créer. Parce que ça fait déjà deux ans que je travaille dessus, que je cherche des financements pour le réaliser. L'équipe qui se déplace, c'est 7 personnes sur le plateau, moi le chorégraphe, la régisseuse lumière, le scénographe, et tout ça, on est à cette étape. Nous, on est vraiment à l'étape en ce moment costume, lumière et scénographe. D'accord. Et après, on va faire quelques ajustements sur... C'est long de monter les financements. Voilà, et tout ça. Alors, donc, pour mes actualités, pour vous dire, donc, je suis en ce moment... je suis nommé label saison France-Brésil pour de juin à décembre 2025. D'accord. D'où je partirai au Brésil pour créer un spectacle avec les danseurs brésiliens, précisément à Itacaré, dans le Bahia. J'y étais l'année dernière. Donc ce dispositif est mis par l'État et à la fois en lien avec l'Institut français. Et je suis label. Saison France 2025. Ça veut dire quoi, être label? Être label, c'est l'Institut français et l'État soutiennent une compagnie française. Et l'ambassade de France au Brésil. Donc tu te déplaces. D'accord. Et tu crées un projet avec des danseurs brésiliens. Oui, oui, d'accord. Voilà. Et là, je vais créer un projet, un autre spectacle qui sera dévoilé bientôt. Des belles reconnaissances. Oui, qui sera dévoilé bientôt. Mmh. Et là, pour mes actualités, et ça, c'est pour juin à décembre 2025. Deuxième semestre, décembre 2025. Mais je serai que moi, à partir de octobre à novembre. Au Brésil, à cette période-là intense. D'accord. Et on va voir s'il y a d'autres tournées. Et ça nous permet de faire des tournées, en fait, dans tout l'État brésilien. Et puis, je crois que tu vas faire un peu quelque chose dans la région, là, dans l'agglomération. Oui, oui. Voilà, je serai... À partir de mars, je commence ce projet fédérateur en lien avec l'école Moselli et la ville de Nancy pour créer un spectacle autour de la berceuse. Justement. Donc, autour de la berceuse avec ses enfants qui seront à l'école Moselli. On a un temps de travail entre mars et mai. Et juin sera le petit moment de représentation. De représentation, voilà. D'accord. Et en même temps, je suis lauréat cette année de la Grande Villa Unda, qui est une villa, qui est une villa de recherche et de création au Sénégal. Sur 2 mois, ou pendant de mai à juin aussi, je partirai au Sénégal pour créer, pour faire la suite de ma création qui a été lauréat. Spectacle tendance à Opla Rose dans le Grand Est, mm-hmm. Sucre. Au départ, je l'intitulais Sucre, an ice cream for an ice cream. Et pour moi, c'est devenu à la fois un diptyque et à la fois un triptyque. Et de cette création-là, aujourd'hui, je nomme celle-ci Tant de convoitises. Tant de convoitises autour de ce sucre, tant de convoitises. Et qui est un délicieux crime. Mm-hmm. Voilà. Pour l'humanité. Super, ben merci infiniment Abdoulaye Trésor, c'était un plaisir d'échanger avec toi ce matin. Je te laisse le mot de la conclusion, est-ce que tu as ajouté quelque chose pour bonne dire... année, bonne année, j'ai envie de dire, moi j'ai dit, quand j'ai dit bonne année, je dis toujours aux gens, c'est que de janvier à décembre 2025, on est dans la bonne année. Parce qu'on dit bonne année 2025, on ne dit pas bonne année janvier, bonne année, c'est janvier, pas un mois, d'accord. C'est l'année. Donc bonne année, surtout beaucoup de santé. Beaucoup de santé, d'ingéniosité, de créativité, d'inspiration et avec beaucoup d'amour et surtout le et monde dans lequel nous vivons a besoin de paix. Est-ce que, ah, la paix, bien la sûr, paix. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on voudrait tous, c'est clair. Et tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver quand même tes travaux, où est-ce que tu fais, quelle recherche on doit faire sur Google aujourd'hui vous pouvez aller sur Instagram, vous tapez ATK Company, vous trouvez. Si on fait des recherches à partir recherches, de la compagnie vous ATK. Vous tapez juste le nom sur Google, vous trouvez. On mettra le lien. Voilà, vous trouvez. Merci encore Abdoulaye. Merci beaucoup Romain, merci pour ce moment et puis... À très bientôt sur Facebook. À très bientôt. Merci. Merci à vous.